Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici première. Promutuelle Assurance est fière de présenter ce balado. Assurance auto, habitation et entreprise, on est là pour vous offrir les protections adaptées à vos besoins. Pour assurer votre paix d'esprit, Promutuelle Assurance est là. Bonne écoute. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Emma Goldman, l'épopée d'une anarchiste. I'm delighted to be back in the United States. Je suis heureuse d'être de retour aux États-Unis, là où j'ai décidé de me dévouer à la diffusion de l'anarchisme, une philosophie qui vise l'émancipation économique, sociale, politique et spirituelle de la race humaine. Economic, social, political and spiritual of the human race. L'anarchisme est au cœur de la vie d'Emma Goldman. L'anarchisme est pour elle une philosophie de vie et un combat perpétuel, comme elle l'explique dans cette entrevue qu'elle accorde à son retour aux États-Unis en 1934, entrevue tirée du documentaire Anarchism in America de Joël Soucher et Steven Fischler. La vie d'Emma Goldman est tout simplement passionnante. Militante anarchiste, Goldman va plus d'une fois se retrouver en prison dans son pays d'adoption, les États-Unis. Après la Révolution russe, elle rencontre Lénine à Moscou. À Vienne, elle s'inscrit au cours de Sigmund Freud, la vie d'Emma Goldman est tout simplement fascinante et constitue véritablement l'épopée d'une anarchiste, comme l'indique d'ailleurs très justement le titre de son autobiographie. Le salut réside dans une marche énergique vers un avenir plus brillant, plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est nous dégager des vieilles traditions, des habitudes désuètes, pour aller de l'avant. Le mouvement féministe n'a accompli que le premier pas dans cette direction. Il faut espérer qu'il gagnera assez de force pour en faire un second. Le droit au vote, aux capacités civiques égales, peuvent constituer de bonnes revendications, mais l'émancipation réelle ne commence pas plus à l'urne qu'à la barre. Elle commence dans l'âme de la femme. L'histoire nous dit que c'est par leurs propres efforts qu'à toute époque, les opprimés se sont réellement délivrés de leur maître. Il est de toute nécessité que la femme retienne cette leçon. Sa liberté s'étendra jusqu'où s'étend son pouvoir de se libérer elle-même. Il est donc mille fois plus important pour elle de commencer par sa régénération intérieure, de laisser tomber le fardeau des préjugés, des traditions, des coutumes. La revendication des droits égaux dans tous les domaines de la vie est équitable et juste, mais somme toute, le droit le plus vital, c'est celui d'aimer et d'être aimé. L'écrivaine Nancy Houston, lisant un extrait de l'autobiographie d'Emma Goldman à l'émission Une vie, une œuvre, diffusée à France Culture en septembre 2018, pour nous présenter le parcours exceptionnel d'Emma Goldman. Je reçois ma collègue, la journaliste Claire Frémont, qui a consacré son mémoire de maîtrise à Emma Goldman. Claire Frémont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce nom-là, le nom d'Emma Goldman, il y a un petit regain d'intérêt depuis quelques années, mais en gros, il est un petit peu passé à l'oubli, le nom d'Emma Goldman. Mais de son vivant, Claire Frémont, elle était très connue. Rappelez-nous peut-être en quelques mots déjà à qui on a affaire. Écoutez, on a affaire à une des personnalités de son époque qui était dans les plus connues. C'est-à-dire que Emma Goldman était connue mondialement. Elle était connue aux États-Unis, était connue en Europe, était connue en Russie. Donc, il n'y a pas d'équivalent même actuellement. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et cette femme-là était très, très, très connue. Elle était aussi honnie par beaucoup parce que c'était une femme de gauche. On l'appelait Emma la Rouge. C'est une rebelle, c'est une anarchiste. Ça a été une femme, une activiste toute sa vie. Et elle a lutté pour les droits humains. Elle a lutté aussi pour justement, comme le disait Nancy Houston, qui lisait un extrait, elle a lutté pour la libération des individus, ouais. pour que les gens soient libres à tous les niveaux, que ce soit leur niveau psychologique, social, économique, bien sûr, ouais. puisqu'elle est anarchiste. Donc, c'est une femme hors du commun. Une femme dont la parole frappe l'imaginaire, a un impact, on le voit bien, vous le disiez, elle est très, très connue. Une femme dont la parole dérange aussi, parce qu'au fond, elle passe sa vie à s'opposer au pouvoir établi. Sans arrêt. Elle s'est opposée au pouvoir établi aux États-Unis, elle s'est opposée au communisme russe, elle s'est opposée à peu près à tout ce qu'il y avait comme pouvoir. C'est ouais. une anarchiste, c'est la base de l'anarchisme, s'opposer aux États et être pour une espèce d'égalité des humains. Ouais. Elle est européenne de naissance, Emma Goldman, elle émigre aux États-Unis à l'âge de 17 ans. Parlez-nous peut-être d'abord de la jeune Emma, celle d'avant son arrivée aux États-Unis. De quel milieu est-elle originaire? Quel genre d'enfance, quel genre de jeunesse a-t-elle? Écoutez, elle ne parle pas beaucoup de son enfance. C'est une enfance dans un milieu plutôt modeste. Sa mère s'est remariée. Elle avait deux sœurs plus vieilles qui sont ses demi-sœurs. Elle l'a appris plus tard. Son père était très violent. Il a dilapidé l'héritage que sa mère avait eu comme veuve. C'est un homme violent. Sa mère était indifférente, dit-elle. Donc, elle n'a pas eu une enfance particulièrement heureuse et elle n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas ouais. quelque chose qui l'a beaucoup marqué non plus. Originaire des Républiques baltes, elle va vivre plus tard en Russie. Puis, elle arrive donc à 17 ans aux États-Unis. Dans quel contexte et pourquoi part-elle pour les États-Unis? Elle vit à Saint-Pétersbourg et travaille en usine. Ça ne va pas bien dans sa famille. On la trouve un peu dévergondée. On trouve qu'elle a des envies intellectuelles. Une de ses sœurs s'est installée aux États-Unis, à Rochester. Elle décide d'aller rejoindre cette sœur aînée avec une autre de ses sœurs. Elle arrive là-bas, à Rochester, elle travaille en usine, et là, les conditions de vie sont pires que ce qu'elle a connu dans les usines à Saint-Pétersbourg. Elle n'en revient pas parce qu'elle pensait que les États-Unis, c'était déjà la terre promise. On disait déjà que les gens pouvaient se réaliser là-bas. Et donc, ce qu'elle voit, c'est des conditions de vie pire qu'à Saint-Pétersbourg. Et son travail à l'usine aux États-Unis l'amène assez rapidement, Claire Frémont, à fréquenter les milieux anarchistes américains. Oui, c'est-à-dire que ce qui la convainc vraiment de rejoindre les milieux anarchistes, ce sont ce qu'on appelle les événements de Chicago. C'est-à-dire que à cette époque-là, il n'y avait pas 8 heures de travail par jour. Il y a des gens qui se révoltent à Chicago. Il y a des émeutes. La police, vraiment... Qui revendique la journée de 8 heures, tout à fait. Et Emma Goldman suit vraiment avec intérêt tout ça. Il y a un procès bâclé et les 5 personnes qui ont démarré cette émeute-là sont condamnées à mort. Et pour Emma Goldman, c'est inacceptable. Elle quitte Rochester, un mariage qui ne fonctionne pas. Elle n'avait que 18 ans. Elle divorce et elle s'en va à New York. Et là, elle va rejoindre John Most, qui était le chef de file de l'anarchisme américain. Elle connaît personne, elle va à une de ses conférences et c'est comme ça que sa vie va commencer. Et lui va être important, vraiment. C'est son mentor, en gros. Hein? Lui, elle le rencontre et comme à peu près tous les hommes qu'elle a rencontrés, tombe follement amoureux d'elle. Et quand on voit les photos, elle ne correspond pas à des critères là, de beauté particulière, mais elle avait vraiment un charme absolument extraordinaire. Donc, il l'écoute parler, il la trouve vraiment très intelligente, il tombe amoureux d'elle et lui dit « Tu vas devenir conférencière, tu vas me remplacer comme oratrice aux États-Unis. » Et il la met sur une scène 2-3 mois plus tard. Elle fait un premier discours et là, elle enflamme la foule. Donc, lui aura été son mentor. Elle rencontre au même moment Alexandre Berkman. Qui va être un homme très, très important pour elle. He was quite standoffish at first. Au début, Alexandre était assez distant d'Emma. Il ne croyait pas que les femmes pouvaient être des révolutionnaires de confiance. Il croyait que les femmes assistaient à ces rencontres de radicaux seulement dans le but de rencontrer des hommes et de partir avec eux. And once they found men, they were gone and took the men with them. He's young. He's ferocious. Il est jeune, féroce, charmeur et dévoué. Il vit et respire l'anarchisme. Emma est probablement consciente que quelque chose s'est réveillé en elle. Elle est maintenant avec d'autres personnes. Elle n'est plus seule. Ça devait être un moment fantastique pour elle. You're not alone. It's been a fantastic time for her. Extrait du documentaire Emma Goldman, diffusé au réseau PBS en mai 2019. Vous entendiez dans cet extrait les historiens Martin Duberman et Barry Patman. Parlez-nous d'Alexandre Berkman, Claire Fermont. Qui est-il et quelle importance il aura dans la vie d'Emma Goldman? Elle le rencontre en même temps qu'elle rencontre Joan Moss. Il est un petit peu plus vieux qu'elle. Il est charmant. Il n'a pas l'air de s'intéresser à elle. Elle ne s'intéresse pas particulièrement à lui comme ça. Ils se mettent à parler. Elle ne comprend pas. Il la drague. Il l'amène chez elle. Et voilà, c'est fait. Parce qu'Emma Goldman, comme en toute chose, était vraiment une anarchiste. Donc, elle n'avait aucune difficulté à avoir des relations sexuelles hors mariage. Ouais. Et lui est complètement fasciné par cette jeune fille qui n'a pas du tout l'intention de se marier, d'avoir des enfants, mais qui, au contraire, veut une vie totalement iconoclaste. Alors, ils deviennent des amants très passionnés avec tout ce que ça comporte. Donc, il y a beaucoup de chicanes, il y a des heurts, mais ils s'amènent beaucoup tous les deux intellectuellement. Chacun apporte à l'autre. Oui. Et ils deviennent... Compagnons de combat aussi. Ah oui, ils deviennent un couple, mais vraiment un couple aussi de combattants. Ouais. Et même plus tard, quand ils se sépareront, parce que leur couple, finalement, ne durera pas longtemps, ils seront des compagnons de route jusqu'à la fin. Oui, puis il y aura une séparation très marquée dans le temps et obligée. Oui. Il va être... Parce que tous les deux vont assez régulièrement se retrouver en prison, mais oui. Berkman, en 92, est emprisonné. Oui. Et puis Goldman, l'année suivante, en 93, va elle aussi se retrouver en prison. Oui. En fait, quand Berkman est emprisonné, Emma le sera aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux comploté, pour vrai, pour l'assassinat d'un capitaliste qui est à la tête de plusieurs usines et il a mis ses employés en locate. Les employés se révoltent, vont dans la rue et à ce moment-là, Frick, qui est le nom du capitaliste, envoie des hommes tirer dans la foule. Et il y a plusieurs morts et il n'est pas condamné. Donc, eux, Berkman et Emma Goldman décident de tuer cet homme. Et, bon, ils se font prendre et c'est lui qui a fait la tentative d'assassinat. Donc, ils se retrouve en prison pour 25 ans. Leur ouais. séparation va se faire à ce moment-là. Donc ça, c'est 92, mais l'année suivante, elle aussi se retrouve oui. à nouveau en prison. Oui, parce qu'elle était déjà dans l'œil, disons, du gouvernement. Donc, à ce moment-là, Emma continue à faire des conférences et tout, et on dit qu'elle l'incite à l'émeute. Ouais. Donc, elle se retrouve en prison. Elle était toujours un petit peu baveuse, notre Emma Goldman. Donc, quand elle parle de ses séjours en prison, elle dit toujours, j'en ai profité pour lire James Joyce, ou j'en ai profité pour lire telle chose. Donc, elle fait comme si ses séjours en prison faisaient partie ouais. de sa vie, que c'était presque un moment de répit pour elle. Qu'elle en tire profit, au ouais. fond. C'est un pied de nez, encore une fois, un pied de nez aux autorités. Après sa libération, peu de temps après sa libération de ce séjour-là en prison, Emma Goldman part en Europe. Et là, vraiment, elle va bourlinguer à gauche et à droite. Oui, en fait, elle part en Europe. Emma Goldman, autant elle suscitait vraiment beaucoup de haine, elle suscitait autant d'amour et de passion. Donc, elle a toujours eu des gens qui étaient des protecteurs ou des protectrices, des mentors qui lui donnaient de l'argent. Et à ce moment-là, elle sort de prison, elle se dit « il faudrait peut-être que j'aille un travail », parce qu'elle n'avait pas de travail, elle était conférencière. Donc, elle décide de devenir sage-femme et des gens paient pour l'envoyer en Europe pour qu'elle suive des cours de sage-femme. Mais elle sait mal connaître Emma de Goldman que de penser qu'elle est allée sagement suivre ses cours. Donc, elle se promène un peu partout. Elle en profite pour rencontrer ses idoles. Elle rencontre Louise Michel, Kropotkin, qui est un anarchiste célèbre. Et elle va à Vienne, elle entend parler d'un cours d'un certain Sigmund Freud, et elle se dit, mon Dieu, ça a l'air intéressant. Donc, elle rencontre Freud aussi. Alors, ça, c'est la vie d'Emma Goldman. C'est ouais. toujours à la fois la grande histoire avec un grand H et sa petite histoire personnelle qui se trame à travers ça. Ouais, et l'un nourrit l'autre aussi constamment dans ses écrits. Ça sert beaucoup, on y reviendra, mais de sa vie personnelle. De retour, donc, après son séjour européen aux États-Unis au printemps 1896, elle poursuit ses activités de conférencière. Et puis, elle se retrouve éventuellement mêlée à l'enquête autour de l'assassinat du président William McKinley. Pourquoi, Attila Frémont? En fait, pour une fois, elle méritait jamais vraiment nécessairement d'aller en prison, mais elle avait vraiment rien fait. C'est-à-dire que ce type qui assassine le président américain dit qu'il a été influencé par Emma Goldman. Donc, elle, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré une fois. Il est venu dans une de ses conférences, ouais. mais elle n'a absolument pas jamais dit qu'il fallait assassiner le président américain. Mais les autorités américaines en profitent pour la mettre en prison avant son procès. Elle sera libérée après, faute de preuves, parce ouais. qu'il n'y avait vraiment aucun lien entre l'assassinat du président et Emma Goldman. En 1906, elle retrouve Alexandre Berkman qui vient de sortir de prison. La même année, elle va créer la revue anarchiste Mother Earth. Un petit mot là-dessus, quelle importance a cette revue-là? Oui, c'est une revue importante. C'est une revue que tous les grands penseurs de l'anarchisme ont écrit dedans. C'est une revue qui a eu beaucoup, beaucoup d'incidence. C'est une revue qui a été importante pour elle. Emma Goldman s'est mise à écrire beaucoup aussi après ça et beaucoup de ses articles ont été repris en livre. Ouais. Donc, c'est devenu... c'est le moment où on peut dire que c'est le passage entre l'Emma Goldman conférencière et l'Emma Goldman plus théoricienne et qui écrit beaucoup et on retrouve ces écrits-là ouais. maintenant. Revue qui va durer plus de 10 ans, là, j'oublie oui. le chiffre, mais avant d'être fermée. Oui. En 1910, Goldman, vous dites, elle se met... Cette revue-là lui permet de devenir plus théoricienne. Elle se met à écrire beaucoup, donc autour de 1910. Elle publie une série d'essais sur l'anarchisme, sur la question de l'émancipation des femmes également. Comment résumer sa pensée sur ces questions? On écoute le philosophe Xavier Brouillette en parler à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » en février 2019. Son anarchisme n'est pas dogmatique. Et au contraire, elle est capable... et c'est son idéal, en fait, qui à chaque page, ça revient, cet idéal de la pensée autonome, du refus de toute forme d'autorité. Emma Goldman aime, elle aime la vie, elle aime s'amuser. Et à un certain moment, elle est dans un bal et un compagnon anarchiste la prend à part en lui disant « Cesse de danser comme ça, tu fais tort à la cause. » Cause avec un C majuscule. Et faut pas avoir de fun. Elle répond pour moi à une cause qui représentait un bel idéal, l'anarchisme, la libération et la délivrance de toutes les conventions et de tous les préjugés ne devait pas revendiquer le rejet de la vie et de la joie. Et c'est cette voie dans l'austérité, si on veut, des fois de la cause, puis Berkman représente cette austérité, il est prêt à sacrifier son amour pour Emma Goldman au nom de la cause. Eh bien, elle, l'idéal de la cause, de l'autonomie, de la libération, c'est la libération de tous les préjugés, y compris les préjugés envers les homosexuels. Il y a certains passages où elle défend cette proposition-là, que l'homosexualité est tout à fait acceptable. Comment résumer la pensée d'Emma Goldman sur des questions, Claire Frémont, comme celle de l'anarchisme, comme celle du féminisme? Alors, Emma Goldman, c'est vraiment une pensée originale et libre. C'est-à-dire que, évidemment, comme tous les anarchistes, elle est pour l'abolition de l'État, elle est pour une mise en place d'associations libres. Mais pour elle, c'est vraiment, c'est le mot liberté. C'est que chacun soit lui-même, elle-même, qu'on ne s'occupe pas du regard des autres, qu'on fasse ce qu'on a envie et qu'on s'associe. Pour elle, il y a une forme, c'est très utopique aussi, à partir du moment où je donne à l'autre, l'autre me donnera, on se met en association, mais en association libre, on se rencontre, on fait de l'échange. Donc, il y a un côté très, très, très, elle est vraiment dans l'anarchisme beaucoup plus libertaire que l'anarchisme dogmatique communiste, par exemple. Ouais. Elle est contre toute forme de dictature. Elle est vraiment pour une liberté individuelle totale, tout en respectant vraiment les autres et tout ce qui peut aider à ce que les gens soient entre eux égalitaires. Mais sortir des contraintes, s'appartenir, pour ce qui est des femmes, que leur corps leur appartienne, mais sortir des contraintes de tout ce qui, toutes les traditions qui sont justement contraignantes. Tout à fait. Ouais. Arrive la Première Guerre mondiale, elle milite contre la conscription. Oui, c'est pas étonnant, connaissant Emma Goldman, parce que, évidemment, c'est pas quelqu'un qui prônait la guerre. Et en plus, c'est un moment où la révolution russe a lieu en 1917. Il y a eu des indices de cette révolution, des soulèvements auparavant. Donc, elle, avec son idéal révolutionnaire et son activisme, et aussi, elle a quand même des racines russes. Donc, évidemment, elle est contre la conscription. Et, les États-Unis cherchent toujours à essayer de la faire taire. Donc, on l'envoie en prison une fois de plus. On l'envoie en prison parce qu'elle s'oppose à cette guerre, à l'entrée en guerre des États-Unis. On lui enlève sa nationalité. Il y a un prétexte, là, au fond, pour les États-Unis, s'en servent. C'est-à-dire que dès qu'elle sort de prison, Berkman a été mis en prison aussi. Je crois que le lendemain, il donne une conférence et ils redisent ouais. exactement ce pourquoi ils ont été mis en prison. Et là, ils vont être chassés des États-Unis, c'est-à-dire qu'on leur dit on va vous enlever votre nationalité. Mais de toute façon, ils avaient bien envie de rejoindre la révolution russe qui avait eu lieu pendant ce temps-là, en 1917. Alors, vous comprenez, Emma Goldman, là, elle parle d'espoir avec un grand E. Elle a des page sur cette révolution, elle est enflammée. Ouais. Elle pense qu'enfin, il y a une société qui va réaliser tous ses rêves. Donc, c'est pleine d'espoir qu'elle se retrouve en Russie. Quand je vis que les membres du parti avaient droit à la meilleure nourriture, que les enfants des écoles modèles étaient gavés de bonbons, pendant que dans d'autres écoles sous-équipées, sales et sans chauffage, les enfants avaient tout le temps faim, qu'un hôpital muni de tout le confort moderne était réservé aux communistes, alors que dans toutes les autres institutions, les médicaments de base manquaient cruellement. 34 espèces de tickets de rationnement dans une société soi-disant communiste. Et des magasins pour privilégiés qui vendaient du beurre, du fromage et de la viande, tandis que d'interminables files d'ouvriers attendaient leurs rations de pommes de terre, de céréales pourries et de poissons séchés, avariés. Quand je parlais de tout cela avec Zorin ou Sineviev, j'obtenais toujours la même réponse. Que voulez-vous que nous fassions avec le blocus, les sabotages, les attaques de Denikin? Ce sont eux, les vrais responsables. Venez travailler avec nous, Berkman et vous. Vous choisirez le poste qui vous convient. Vous nous serez d'un grand secours. Ces appels à l'aide me touchaient profondément. Je répondais, nous aimerions travailler avec vous dès que nous saurons comment nous rendre utiles. Extrait de l'autobiographie d'Emma Goldman, L'épopée d'une anarchiste, New York 1886, Moscou 1920. C'est un extrait qui est lu le 1er décembre 1979 à l'émission La Tribune de l'Histoire, diffusée à France Inter. Et c'est un extrait formidable, Claire Frémont, parce que ça nous dit tout le désenchantement qu'elle va vivre lors de ce séjour en Russie. Ce sera terrible pour elle. D'ailleurs, elle en fait part à tout le monde qu'elle rencontre. Il y a beaucoup de gens du mouvement anarchiste qui sont là. Elle n'est pas seule à trouver que ça se passe très, très mal avec le régime bolchevique. Et Lénine en entend parler. Et comme elle est très, très connue, Emma Goldman, il la convoque au Kremlin. Et là, grande mise en scène, là, elle s'en va rencontrer le pape, ce qui pour elle est vraiment très démoralisant. Là. Elle voit ça avec beaucoup d'ironie. Et Lénine, vraiment la somme de continuer dans ce régime en disant « on n'a pas le choix, ouais. Vous comprenez, il faut que vous nous aidiez ». Mais elle n'est pas certaine. Elle essaye quand même un petit bout de temps d'essayer de rentrer, de ne pas voir toutes les contradictions en elle et ce qui se passe dans la société, mais ça ne durera pas. Il y a les événements de Kronstadt qui arrivent, ce sont des marins qui dénoncent le régime bolchevique, ce sont des anarchistes qui décident de mettre en place une commune, qui revendiquent la libre expression et tout, et le régime de Lénine est furieux. Emma Goldman est la médiatrice. Elle tente de parler à Lénine. Elle tente de raisonner tous ces gens-là pour qu'il puisse y avoir une conciliation. Ça n'arrivera pas. L'armée rouge envoie 50 000 hommes pour démanteler cette commune où il y avait autour de 10-15 000 personnes. C'est sanglant. Et Emma Goldman quittera la Russie. Ouais, forcée de quitter la Russie, en fait. On lui indique la porte de sortie. Et puis après ça, on entre dans une espèce d'assez longue période, les années 20, les années 30, qui sont un peu des années d'errance. Parlez-nous un petit peu de cette période-là, Claire Frémont. En fait, c'est qu'Emma Goldman est devenue apatride. Elle n'a plus la nationalité américaine, elle n'a plus la nationalité russe, elle n'a plus de nationalité. Donc, elle se retrouve en Europe, elle erre un peu, mais elle est très, très connue. Donc, elle va donner des conférences ici et là. Et elle se marie, elle fait un mariage en blanc avec un Anglais qui décide de l'épouser pour lui donner la nationalité, ce qui lui permet d'avoir la nationalité européenne. Ce sera vraiment une année... quelques années d'errance où elle donne des conférences, mais c'est assez difficile pour elle. Ouais. Elle meurt à Toronto en mai 1940. Pourquoi à Toronto? Comment elle se retrouve à Toronto? Bien, en fait, c'est que le climat est devenu invivable en Europe pour elle qui est juive. Il ne faut pas l'oublier. Donc, elle ne peut plus aller en Russie. Elle ne peut pas aller aux États-Unis. En Europe, c'est un climat qui est vraiment anti-juif. Donc, le Canada est comme une sorte d'alternative, pas loin des États-Unis. Il y a un petit milieu anarchiste qui est là. Elle est même venue à Montréal, elle a trouvé que les gens étaient un petit peu bigots. Et donc, à Toronto, ça se passait un peu mieux. C'était proche des États-Unis. Ouais. Donc, elle a fait quelques séjours et finalement, elle est morte à Toronto. Claire Frémont, journaliste à la télé de Radio-Canada, auteure de mémoire de maîtrise sur Emma Goldman. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.